depuis le début de l'année, les 6 et 29 janvier, le 17 février, le 18 mars, le 22 avril, les 4 et 13 juin et bientôt le 24, la société SpaceX a mis ou va mettre en orbite à chacun de ses lancements 60 mini-satellites de sa constellation Starlink, portant le total à 540 composants de cette constellation en orbite basse. Le 30 mai, c'est la capsule Crew Dragon de la même société qui amenait jusqu'à la Station Spatiale Internationale deux astronautes américains, redonnant l'accès à l'espace aux États-Unis qui en étaient privés depuis la fin de la navette spatiale. L'homme derrière tout cela, le même qui avait mis en orbite une de ses voitures avec un faux astronaute à bord, c'est Elon Musk. Son ambition pour l'espace, couronnée de succès, semble démesurée, mais est-ce un bon ou un mauvais signe ? Qui arrêtera Elon Musk ? C'est le programme spatial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour se pencher sur la galaxie Elon Musk, son rôle grandissant dans la course à l'espace et les critiques de plus en plus nombreuses adressées à son égard, nous avons le plaisir de recevoir à distance notre incontournable invité lorsqu'il s'agit du New Space. Bonjour Xavier Pascaud. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est aux éditions CNRS. Et bonjour Maxime Puteau. Bonjour. Vous êtes conseiller industrie au sein du cabinet Euroconsult, spécialisé dans l'étude de marché pour l'industrie spatiale. Mais avant de décoller, retrouver Starman qui est en orbite en ce moment quelque part autour de Mars, je crois, eh bien on va rester sur Terre pour prendre des nouvelles de la recherche scientifique avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec ces annonces autour de l'étude Recovery. La dexaméthasone réduirait d'un tiers la mortalité des cas graves de Covid. Et du moins, c'est ce qu'affirme un communiqué de presse paru hier. Attention, attention, entre la chloroquine, le remdesivir ou le tocilizumab, on a appris à se méfier des effets d'annonce sans étude à l'appui. On attend toujours la publication des résultats de l'étude britannique Recovery. Il s'agit d'une étude randomisée, en double aveugle, qui a été menée sur plus de 11 500 patients. 2000 patients, choisis aléatoirement, ont reçu une dose quotidienne de dexaméthasone, tandis que 4000 patients recevaient, eux, un placebo. Alors, selon ce communiqué, chez les malades gravement atteints placés sous respirateur, une mort sur 8 a été évitée avec ce traitement. Cette hormone, hein, c'est de la cortisone de synthèse, ça n'est pas un traitement antiviral. En revanche, elle serait efficace pour réduire la réponse inflammatoire trop forte que l'on voit dans les formes graves, la fameuse tempête de cytokines. Jean-Daniel Lelièvre est chef du service de maladies infectieuses et d'immunologie clinique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Alors, il faut savoir que c'est un traitement qu'on connaît depuis très longtemps, qui a déjà été utilisé dans des pathologies proches. Cette fameuse tempête cytokinique et les signes respiratoires que l'on a dans le cadre du Covid-19 correspond à ce qu'on appelle, nous, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Globalement, on sait que les corticoïdes peuvent avoir un effet bénéfique. Alors, pas dans tous les cas. On sait que quand ce syndrome de détresse respiratoire aiguë est lié à la grippe, par exemple, il ne faut pas donner de la cortisone. Dans les autres cas d'infection grave avec d'autres coronavirus, le SARS, le MERS, là aussi, c'était associé plutôt à un effet délétère. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ça va diminuer l'inflammation qui donne ces lésions pulmonaires qui expliquent la détresse respiratoire dans laquelle sont les gens, mais ça peut favoriser aussi d'autres infections et notamment des infections bactériennes qui posent beaucoup de problèmes en réanimation. Donc, l'effet bénéfique de ce traitement n'était pas gagné. Pour autant, très rapidement, les médecins chinois ont donné des corticoïdes aux patients qui étaient atteints par le Covid-19 et les premières publications montraient un potentiel effet bénéfique de ces corticoïdes. Alors, il faut savoir que ce sont des études qui étaient des études rétrospectives, donc c'est toujours très difficile d'affirmer l'efficacité d'un médicament sur des études rétrospectives et on a vu les complications, notamment les incertitudes avec l'histoire récente de la publication sur le Lancet. Ce qui est nouveau ici, si on en croit les résultats du communiqué de presse, évidemment on en attend l'article complet, les résultats complets, c'est qu'on est vraiment dans le cadre d'une étude randomisée, c'est-à-dire qu'on est sûr que l'effet que l'on voit est lié aux médicaments qu'on donne. Ça, c'est un élément déterminant. et qui est encore une fois la seule manière de s'assurer véritablement de l'efficacité du médicament. Voilà, on ne le redira jamais assez, il s'agit une fois de plus d'un communiqué de presse, donc évidemment ce sont des résultats qui ont l'air d'être encourageants, mais on attend l'étude et évidemment on en reparlera dans le journal des sciences ou peut-être dans la radiographie du coronavirus qui, je vous le précise, aura lieu exceptionnellement une deuxième fois cette semaine après ce matin. On va vous mettre le lien d'ailleurs vers la chronique de ce matin sur la situation en Chine. Vendredi matin, il y aura une nouvelle radiographie du coronavirus à 8h55. Mais c'est pas tout ça, on va passer au bref. L'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne vient de certifier le premier avion totalement électrique. Et il s'agit du Pipistrel Velis Electro, un petit avion slovène de deux places, doté d'un moteur électrique et équipé de deux batteries lithium-ion. Il n'a qu'une heure d'autonomie pour un rayon de 140 km, mais il est surtout destiné à la formation des pilotes. Plus silencieux que les autres avions, il ne produit aucun gaz de combustion. Cette certification lui permet à présent d'être commercialisé plus largement. Pour commencer à décarboner l'industrie aéronautique, c'est une première étape décisive. On a observé une lueur verte détectée dans l'atmosphère martienne. Et la première aurore martienne, l'ExoMars TraceGas Orbiter, la sonde de l'ESA et de Roscosmos qui orbite autour de Mars depuis 2016, a détecté cette faible lueur verte, caractéristique de l'oxygène. Sur Terre, les phénomènes d'aurore boréale ou polaire sont bien connus, mais c'est la première fois qu'on en observe dans un autre monde. Les astrophysiciens avaient prédit l'existence de ce phénomène il y a 40 ans, et grâce à cette détection, on en saura plus sur les changements saisonniers de la planète et sur sa dynamique atmosphérique. Ces observations sont rapportées dans la revue Nature Astronomy. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Science, dans les montagnes américaines, il pleut du plastique. Et après les pluies acides, voici les pluies de plastique. Dans l'Ouest américain, dans une zone pourtant sauvage et préservée, des chercheurs ont trouvé dans leur échantillon d'air et d'eau de pluie la présence de microplastiques. Selon leurs calculs, il aurait plu 1000 tonnes de microplastiques chaque année. 1000 tonnes de microplastiques, cela représente 120 millions de bouteilles en plastique. Rappelons que 90% de ces déchets ne sont pas recyclés. Et d'autres études suggèrent que les particules de plastique peuvent voyager avec le vent sur des milliers de kilomètres. Ce papier soulève de nouvelles questions sur la gravité de la pollution plastique que l'on retrouve dans l'air, l'eau et les sols, et pratiquement partout sur Terre. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Alors d'un côté, il y a la face lumineuse, celle de la nouvelle capsule Crew Dragon qui a permis à deux astronautes américains de rejoindre la Station Spatiale Internationale le 30 mai dernier. C'est la première fois depuis de nombreuses années que les États-Unis regagnent leur souveraineté, alors il faut mettre beaucoup de guillemets autour de ce mot, dans l'envoi d'êtres humains dans l'espace, puisque depuis la fin de la navette spatiale, les Américains avaient recours aux capsules russes Soyuz pour aller ravitailler et faire les allers-retours jusqu'à l'ISS. Et puis de l'autre, il y a cette constellation de mini-satellites, la constellation Starlink, dont déjà plus de 500 modules, 540 je crois, sont en orbite, qui a continué à être augmentée pendant le confinement et qui est accusée par de très nombreuses voix de la communauté astrophysique de ruiner le ciel nocturne et d'être un projet mortifère qui va finir par empêcher, quand les 12 000 voire les 40 000 modules seront lancés, de poursuivre des observations de l'espace au sol. L'homme derrière tout ça, c'est Elon Musk, le très médiatique patron de SpaceX, l'homme qui aura réussi le pari de privatiser l'espace. Alors est-il une aubaine ou un cauchemar pour l'industrie spatiale et pour la science? Nous en parlons avec Xavier Pascaud et Maxime Puteaux. Voilà en tout cas ce qu'en disent les chaînes Tout Info lorsqu'il s'agit de faire un portrait de ce personnage. L'histoire ne nous propose que deux directions. Rester sur Terre pour toujours et assister à notre extinction. L'alternative, c'est bien sûr de devenir une espèce capable d'aller sur différentes planètes. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons rejoindre la quatrième planète sur la gauche, Mars. Un rêve qui détermine la création de SpaceX, une entreprise privée bien déterminée à conquérir l'espace depuis 2002. Est-il un illuminé? Est-il dangereux? Le monde tout à coup s'interroge. Surtout que le personnage alimente mille polémiques, prêt à fumer du cannabis en pleine interview. Commercialiser ce drôle de lance-flammes ou utiliser Twitter pour déstabiliser les cours de bourse. Il semble poursuivre 1000 projets en même temps. Alors, l'Hyperloop, son TGV subsonique capable de glisser à 1200 km/h, verra-t-il le jour? Son tunnel anti-feu rouge, anti-bouchon sera-t-il adopté? Emmènera-t-il vraiment Yusaka Maezawa sur la Lune en 2023? quitte à frôler la surchauffe, son esprit continue à nous offrir 1000 promesses, notamment pour que ses 5 garçons et son 6e fils, baptisés par un code de chiffres et de lettres, ACH12, puissent profiter, dit-il, d'un monde où l'intelligence artificielle ne nous aurait pas encore réduit à l'état de chat domestique. Voilà le portrait consacré à Elon Musk diffusé il y a peu, hein, c'est le tout début juin 2020 sur LCI. Une réaction, Xavier Pascaux, Maxime Puteaux, effectivement, on va parler beaucoup des projets spatiaux d'Elon Musk, mais le personnage en lui-même mériterait peut-être une heure entière, je ne sais pas si c'est d'analyse psychiatrique d'exégèse plus scientifique. Qu'en pensez-vous, Xavier Pascaux? Oui, ben c'est un personnage effectivement dont on commente beaucoup un peu les phrases qui est apparu assez dissonant dans un milieu spatial qui est plutôt habitué, je dirais, à la réalisation de missions de manière extrêmement, parfois un peu austère, mais toujours extrêmement calculée. Et là, on a quelqu'un qui parle beaucoup, qui effectivement, non seulement parle de ses programmes, mais parle de sa philosophie personnelle finalement, qui donne un peu le là de ses programmes. Et ça, c'est assez nouveau. C'est quelqu'un en plus qui n'est pas de la communauté spatiale initialement, donc qui a été vu un peu comme un intrus, mais qui en même temps effectivement a une sorte de vision, alors dont on hésite un peu, sur laquelle on hésite, parce que c'est une vision à la fois transhumaniste, très axée sur la technologie. On l'a vu dans les reportages qui ont été rappelés, sa vision de Mars, de la civilisation humaine qui irait sur Mars. Donc tout ça est quand même assez troublant pour une communauté spatiale qui n'était pas habituée à cela. Maxime Puteaux, est-ce que Elon Musk, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie spatiale? Ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue des ingénieurs, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de lanceurs de réutilisables ou même de les agences spatiales d'aller sur Mars dans les 30 prochaines années. Et force est de constater qu'avec Elon Musk, cet horizon, il s'est raccourci. Il a démontré assez rapidement entre 2012, à partir du moment où il a dit qu'il voulait faire revenir les lanceurs, et 2015, qu'il était capable de le faire. Et après, il est en train d'accélérer l'agenda du programme spatial américain, puisqu'il a une vraie influence sur les orientations, mais aussi sur le calendrier. Donc c'est quelqu'un, ses proches disent à SpaceX que il a pour habitude de tordre la réalité, et c'est-à-dire qu'il la façonne dans ses annonces. Il va dicter les annonces, il va dire les priorités, et puis ensuite évidemment le paradigme muskien, c'est d'énoncer un agenda et puis de mettre un peu plus de temps à les réaliser. Mais dans tous les cas, on peut dire quand même qu'il a été une bonne nouvelle, parce qu'il a introduit un degré d'innovation, d'urgence et de risque, et de prise de risque, qui était assez inédit dans le spatial. Côté de ses concurrents, la réponse est un peu plus nuancée, puisque comme le mentionnait Xavier, on était sur une industrie qui en général est assez averse au risque, puisque une fois qu'on lance en orbite, on veut tout s'assurer que ça fonctionne. Et je dirais encore plus sur les lanceurs, qui est la phase la plus risquée de la vie d'un satellite, et qui est ni plus ni moins qu'une explosion contrôlée. Et finalement, le génie de Musk, c'est de tester en même temps qu'on commercialise. Et c'est pour ça qu'il est allé aussi vite. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, compte tenu des derniers accomplissements, hein, que ce soit Crew Dragon ou de la mise en place progressive de cette constellation Starlink, et puis du lancement de Starship, de sa future navette, ou en tout cas sa future capsule spatiale dont on va parler au cours de cette heure, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire 18 ans après la fondation de SpaceX, que le pari d'Elon Musk est très largement réussi, Xavier Pascaux? Oui, ça, je pense qu'on peut le dire. Alors, d'ailleurs, Musk a coutume de dire qu'en fait, il ne savait pas en 2002 qu'il en serait là aujourd'hui. Alors bon, il y a toujours... Ce qu'il faut bien voir chez Musk, c'est qu'il entretient aussi l'idée, et c'est une forme de réalité, qu'il est toujours dans une dynamique, c'est-à-dire qu'il n'est jamais statique. Il est toujours devant, et il est toujours à penser l'étape d'après, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Maxime, on a à la fois quelqu'un qui teste, quelqu'un qui en même temps commercialise, et puis quelqu'un qui pense à l'après. Et c'est aussi une manière de raconter son histoire, c'est-à-dire que finalement il projette ses visions et il prend les gens par la main pour leur raconter son histoire. Ça, c'est très important chez Musk, et on se rend compte que SpaceX, depuis les 18 ans que vous avez cités de sa création, 2002 création de SpaceX, et en fait il aime beaucoup se référer toujours à la petite équipe avec les mariachis qui ont commencé dans un petit bâtiment et qui sont devenus ce SpaceX aujourd'hui, je crois, sous comprends Maxime, on doit être aux alentours de 7 à 8 000 personnes, peut-être 9 000 maintenant employés chez SpaceX. Et il dit lui-même un peu comme ça, une sorte de candeur, si je m'étais attendu à ça, je n'y attendais pas. Et en même temps, c'est vrai qu'en fait, il a un plan assez implacable et il avance sur plusieurs fronts en même temps, mais je pense qu'on y reviendra. Effectivement, vous avez cité les lanceurs, mais on peut citer Starlink, bien sûr. Et puis la nouvelle relation qu'il crée avec la NASA, qui est toujours la première puissance, je dirais, d'investissement spatial dans le monde, dans le domaine civil. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons de SpaceX, de ses derniers accomplissements et de ses futurs projets à court, à moyen terme, puisque le long terme pour SpaceX, c'est dans 2 ans quasiment, si on regarde ça à l'échelle d'Elon Musk. Peut-être qu'on peut revenir un peu rapidement, parce que on a renvoyé, d'ailleurs, on vous a mis sur le fil Twitter de l'émission, d'ailleurs, les liens vers les émissions précédentes que nous avions consacrées à cette aventure SpaceX, donc on va pas refaire tout le film, mais tout de même, pour essayer de comprendre comment en 2002, Elon Musk vend son site PayPal, donc ce site de paiement en ligne. Il en tire, je crois, et je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, mais 180 millions de dollars. Et à partir de là, ce qui est une misère dans l'industrie spatiale, 180 millions de dollars. Et à partir de là, il va lancer SpaceX. Et comment est-ce qu'on arrive en aussi peu de temps à devenir finalement aujourd'hui le prestataire principal privé de la NASA pour bien sa planification spatiale, Xavier Pascaux? Je crois que on a d'abord en 2002 finalement un homme avec une vision, enfin donc son biographe a raconté cela, comment il se rend en Russie pour éventuellement essayer d'acheter des fusées pour commencer à faire ses tests de voyage vers Mars. Il se fait gentiment éconduire finalement par des spécialistes russes qui voient en lui un illuminé. Et puis en fait, ça va le convaincre bien qu'il faut qu'il crée sa propre société pour bâtir ses fusées qui un jour iront sur Mars. Il rappelle régulièrement à ses employés de SpaceX, d'ailleurs, que SpaceX a été créé pour ça. Et c'est quelqu'un qui en fait va mettre un plan en même temps en place à côté de cette vision. Il va d'abord capitaliser, ça il faut le dire, sur des investissements passés, notamment sur la mise au point d'un premier moteur fusée, qui va être son premier moteur Merlin. Ben, ça vient d'investissements de la NASA, passés sur des moteurs tout à fait expérimentaux, on voulait diviser par 4 les coûts, etc. Il va réussir tout ça et tomber dans le domaine public. La NASA abandonne ce programme en 2001. Et en 2002, il crée cette société et récupère un peu les plans de ses moteurs et commence à mettre ça en marche. Ça marchera pas très bien, il y aura pas mal d'échecs. Mais alors, il va internaliser tous ces échecs et il va commencer à construire quelque chose de nouveau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va arriver d'un monde qui n'est pas le monde du spatial, avec des conceptions, je pense que Maxime nous en parlera, d'organisation industrielle, de management tout à fait nouvelles pour le spatial, on va dire, et qui sans doute donne des fruits. Et puis, il y a aussi, on peut dire, une troisième grande caractéristique, ça a été cette vision que la réutilisation des lanceurs, enfin qu'un lanceur qu'on jette à chaque fois qu'on le tire, c'est quelque chose d'absurde. Et là encore, il va travailler un peu contre vents et marées, c'était pas non plus une tradition dans le spatial. Et tout ça mis ensemble avec cette espèce de caractère dynamique permanent, c'est quelqu'un qui n'est jamais fixé, qui n'est jamais statique finalement, eh bien ça va enclencher... dans une conjoncture favorable au niveau des États-Unis, on pourrait revenir, la NASA, etc., était en train de se chercher à cette époque-là, et puis il va bénéficier de ce soutien. Justement, peut-être un mot là-dessus, parce que quand SpaceX arrive en 2002, la NASA travaille avec grosso modo les mêmes prestataires, qui vont d'ailleurs tenter d'ailleurs un coup, et c'est peut-être ça qui va être le premier coin dans la porte, entre guillemets, cette volonté de créer une sorte de consortium monopolistique entre Boeing, Lockheed Martin, là c'est Delta en 2006, Maxime Puteau, et d'un seul coup ces prestataires sont devenus tellement gros que la NASA dit bon bah tiens on va aller voir ailleurs, c'est ça, ou est-ce que c'est aller un peu vite en besogne que de résumer ça comme ça? Non, vous avez raison Nicolas, il y a une vraie révolution culturelle à la NASA à ce moment-là, et une prise de conscience que l'industrie privée est peut-être mature pour proposer des solutions en lieu et place de la NASA. Attention, quand on parle de commercialisation, ici, on est vraiment beaucoup plus sur un aspect de sous-traitance que de substitution à l'agence, parce que dans les SpaceX, transporte des astronautes de la NASA jusqu'à présent. Et donc, du coup, la NASA va se dire, il y a peut-être un coup à jouer, et va avoir une approche extrêmement audacieuse, et à la fois risquée, mais mitigée, puisqu'elle va confier par tranche des programmes à deux industriels, SpaceX puis une autre société qui a disparu, qui a été ensuite remplacée par quelqu'un de plus établi, Orbital Science. Et il y a l'idée d'avancer pas à pas, et que la NASA, contrairement à ce qu'elle a l'habitude de faire avec ses industriels, c'est de débloquer les fonds uniquement quand certaines étapes sont atteintes, et surtout de ne s'engager que sur des montants fixes, là où l'industrie, le complexe militaro-américain est très habitué au contrat cost plus, c'est-à-dire que si le programme subit des dépassements, eh bien le gouvernement continuera de payer, et en plus il assurera les marges. Donc faut reconnaître vraiment une vraie audace à la NASA d'avoir voulu faire ça avec d'abord le ravitaillement de l'ISS pour du cargo qui était au départ uniquement temporaire, jusqu'à ce que la capsule gouvernementale arrive. Oui, le premier contrat que SpaceX passe dans ce sens-là pour l'approvisionnement de l'ISS, on est en 2006. Exactement. Mmh. Et Musk dit que c'est que 2 ans plus tard, c'est vraiment c'est ce qui a sauvé SpaceX de la faillite. Ils n'avaient plus un sou en banque. Et le contrat de service de la NASA qui lui assure un revenu pour certaines missions avec un prix fixe sauvera SpaceX, alors qu'à l'époque SpaceX n'avait pas démontré grand chose. Oui, non, c'est bien ça qui est intéressant, hein, Xavier Pascaux, c'est que à ce moment-là, donc 2006, on est 4 ans après la création de l'entreprise et techniquement ils sont pas au point, tout est à peu près, tout le développement, ça ne va pas très loin, c'est beaucoup d'échecs. Et d'un seul coup, 4 ans plus tard, donc il y a ces 2002-2006 où il se passe pas grand-chose, ce contrat avec la NASA en 2006, et 4 ans plus tard, c'est la réussite incroyable de ce Falcon 9 à un prix qui défie toute concurrence. Comment est-ce qu'il transforme ça, Elon Musk? Je crois qu'il faut mettre en rapport, en fait, cette réussite avec les difficultés que traverse la NASA à cette époque. Il faut se rappeler que 2002, c'est la création de SpaceX. 2003, c'est l'accident de Columbia, qui va sonner la fin de la navette. C'est un premier taïkonaute en orbite en octobre. Et c'est la nécessité qui est faite à l'administration Bush de relancer un peu toute la machine américaine spatiale dont on dit qu'elle est un petit peu chevrotante à cette époque-là. Il va y avoir le programme Constellation lunaire, dans lequel la NASA décidé par George Bush, dans lequel la NASA se lance, et puis Obama, lui, va mettre un terme à cette aventure lunaire, va parler plutôt d'un investissement à long terme pour Mars, va lancer, sous la pression du Congrès, le SLS, puis Orion, et la NASA est en... Le Space Launch System, le gros lanceur de la NASA. Le Space Launch System, absolument, qu'on va voir, voilà, qui est en cours de finition depuis pas mal d'années maintenant, pour beaucoup de sous, et en fait, la NASA, pendant toute cette période, est un peu en apesanteur, j'allais dire, pour utiliser ce mot pour les phrases, mais... C'est-à-dire qu'elle a un manque de direction, il n'y a plus de lune, on ne sait plus trop. Et c'est, je dirais presque, une sorte de mécanique des fluides, hein, la nature ayant horreur du vide, ça permet aussi à SpaceX d'apparaître comme quelque chose de nouveau. Alors, non pas une alternative à une agence, mais enfin, il a sa propre vision, ses propres... Et ça, il va en bénéficier, il va savoir le faire. Et la NASA va, d'une certaine manière, assez intelligemment, aussi un peu surfer sur cette dynamique-là pour repenser ses relations. Et puis, on a Trump qui arrive, qui relance la lune, et ce qui remet un peu tout dans l'axe avec la NASA qui fédère cet effort, et SpaceX et une autre société, Blue Origin, oui. Jeff Bezos, le grand concurrent de SpaceX, qui se remettent un peu l'enfilage. Donc je dirais que SpaceX, effectivement, c'est un essor extraordinaire dans ces années, mais c'est un effort qui ne se fait pas dans le vide absolu. C'est un essor aussi qui se fait dans un contexte particulier où la place qui était occupé par la NASA se transforme. Mais alors justement, pour parler de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et de son Blue Origin, qui est une sorte de concurrent, enfin qui est pas une sorte, qui est un concurrent direct à SpaceX, qui a les mêmes ambitions en termes de réalisation aujourd'hui, vraiment par rapport à SpaceX, on a l'impression, Maxime, plutôt que Jeff Bezos a vraiment des éons de retard, enfin qu'il a vraiment raté au moins 2 ou 3 trains par rapport à ce qu'a pu faire Elon Musk. C'est assez paradoxal parce que Blue Origin, paradoxalement, est plus ancienne que SpaceX, de 2 ans, je crois. Mais Jeff Bezos, il a une approche radicalement différente qui s'incarne dans sa devise « gradatim ferocitaire », donc férocement pas à pas, où lui, il entend par exemple avoir son lanceur utilisable dès le premier lancement. Oui. Et ça, c'est vraiment complètement différent par rapport à SpaceX qui a appris à chaque lancement à essayer de récupérer et de réutiliser. Alors on va avancer un peu dans le temps. D'ailleurs peut-être que vous pouvez nous raconter, c'est intéressant parce que Maxime Puteau, vous avez pu visiter les usines SpaceX et visiter une usine SpaceX, c'est vraiment comme visiter presque l'intérieur du cerveau d'Elon Musk. Ça dit vraiment beaucoup de choses des ambitions du patron de cette firme. Exactement, ouais. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine à l'été 2018. Quand déjà vous la voyez de loin puisque vous voyez le premier exemplaire du lanceur qui est exposé à l'entrée de l'usine et vous le voyez de loin. Tout autour, vous êtes vraiment dans le pâté de maison de Musk, puisque en face de l'usine, vous avez The Boring Company, son entreprise de tunnel, vous avez une usine Tesla. Et quand vous rentrez ça situe où aux États-Unis? À Los Angeles. À Los Angeles, d'accord. En banlieue de Los Angeles, et dans une ancienne usine qui fabriquait des Boeing. Vous entrez dans une ruche avec au départ une salle d'attente qui ressemble à celle de Men in Black, et puis ensuite vous êtes dans une ruche gigantesque où au-dessus de la cafétéria vous avez une capsule, la première capsule qu'ils ont récupérée. À côté des ascenseurs vous avez des statues géantes d'Iron Man auxquelles Elon Musk est souvent comparé. Vous avez la salle de contrôle qui est sous vitre juste à côté de la cafétéria, et puis vous avez partout. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est partout des activités. Vous avez d'un côté, vous avez des robots qui sont en train de mettre en place et d'inspecter du matériel à la place des humains. Et vous avez des lanceurs qui sont construits à la chaîne. L'adage qu'on utilise souvent chez Musk, c'est que chez SpaceX, les feuilles d'aluminium rentrent d'un côté et qu'au bout sortent à la chaîne des lanceurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, le sentiment, là, dans tout ce que vous venez de nous dire, et de tout ce qu'on connaît d'Elon Musk, de ses premiers discours sur Mars, de la façon dont il design non seulement ses lanceurs, mais ses capsules, mais aussi les combinaisons des astronautes. On a l'impression que, avec cette référence à la culture pop, qu'il a remis de la science-fiction dans la science de l'espace, en quelque sorte, Xavier Pascaux, qu'il a un peu réenchanté l'espace, qui était devenu quand même très austère, un peu marqué par les drames de la destruction de la navette, donc dangereux, avec des sondes qui ressemblent à des espèces de blocs à pas grand-chose, avec des couvertures de survie autour. Et là, d'un seul coup, on est projeté dans un univers qui est un univers très science-fictionnel auquel le grand public peut peut s'accrocher, dans lequel il peut se projeter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est clair que ces choix sont vraiment à la fois des choix très personnels de Musk, qui, comme vous le disiez, est très sensible à la culture pop, fait appel à un designer de costumes d'Hollywood pour penser avec lui les costumes des astronautes qui ont été utilisés pour Dragon. Et en fait, on a à la fois quelqu'un qui conçoit son activité aussi dans cet univers-là et qui raconte une histoire à qui veut bien l'écouter et veut les emmener dans son rêve quelque part. Ça, c'est quand même toujours important pour lui. Moi, j'étais présent quand il a au Mexique rendu public pour la première fois son projet martien, on va dire. C'est assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui, déjà avant même de faire son discours, avait créé une sorte de d'effervescence avec plusieurs milliers de jeunes Mexicains à l'époque. Ça se passait à Guadalajara qui attendaient, qui ont même passé la nuit dans la salle où il allait faire son discours. La police leur faisant évacuer la salle. Et quand les portes s'ouvrent, alors que le discours devait se tenir à 13h, les gens courent pour être devant la scène. Et moi, c'était une semaine de congrès astronautique, et j'avais vu quelques jeunes Mexicains, en l'occurrence, je leur avais dit, mais à 10h du matin, ils étaient là en train de faire la queue. Je dis, mais c'est à 13h cet après-midi. Ils m'avaient dit, oui, mais on va être près de la scène, on veut le voir. Il y a un aspect gourou quand même. Il y a un aspect gourou, c'est une star, et il entretient beaucoup, beaucoup cet aspect-là. Et paradoxalement, c'est un piètre orateur. Ah bon ? Oui, tout à fait. C'est vrai ? Oui, alors, quand vous regardez ces vidéos, c'est extrêmement désagréable à regarder, puisqu'il bafouille beaucoup, il se répète. Mais par contre, c'est son message, c'est le fond de son message qui captive. Xavier Pascaux, vous confirmez, oui ? Oui, je confirme qu'il a peu de charisme. C'est presque très touchant d'ailleurs, parce qu'on sent qu'il a une forme de timidité quand il va exposer à des gens. Il présente ses diapositives sur le grand écran, et on sent qu'il les a modifiées jusqu'au dernier moment. Et il est toujours un peu gêné. Par exemple, dans les commentaires qui suivent ses présentations, il dit toujours « je veux des questions, pas des commentaires, je veux pas engager une discussion ». Il semble assez mal à l'aise dans la relation à l'autre, j'allais dire. Et en même temps, je dirais d'une certaine manière, ça le rend presque simple, finalement. Et donc, c'est pas un gourou éloigné des gens, mais c'est quelqu'un qui emmène avec lui, qui veut convaincre. Ça, c'est toujours l'aspect qui me frappe beaucoup. Mais on a un peu le sentiment que cette volonté très, très poussée chez lui de storytelling, de réenchantement, de vendre des histoires qui, qu'elles soient finalement crédibles ou qu'elles soient totalement incroyables, quand il dit qu'on va être d'ici 2030 sur Mars, on aimerait y croire, mais en fait, quand on regarde concrètement, on se rend bien compte que la technologie n'est encore pas là du tout, que 2030 c'est demain et que ça paraît très très court. Enfin, quand il envoie sa Tesla dans l'espace, là aussi, c'est vraiment, il est vraiment formé exclusivement à cette espèce de narration spatiale. Et cette narration spatiale, c'est pas, il n'y a pas le risque que ce soit un peu de la poudre de perlimpinpin aux yeux des dirigeants, aux yeux d'un dirigeant un peu fantasque lui aussi, et c'est un euphémisme, comme Donald Trump, ou aux yeux d'une nouvelle génération qui a été biberonnée un peu à cette science-fiction comme lui, Maxime Puteau? Bah en fait, contrairement à tous les autres qui ont pu faire rêver, lui, jusqu'à présent, il fait tout ce qu'il a promis de faire. Alors certes, avec un peu plus de retard, mais il le fait. Et c'est sa carte de visite. Et c'est ce qui le rend, et c'est ce qui le crédibilise vis-à-vis de tous les autres. C'est qu'il a dit qu'il le ferait, il a osé, il a mis un peu plus de temps, mais à la fin, il le fait. Et en plus, ça fonctionne, ça marche. Xavier Pascaud. Oui, alors, il a effectivement ce point qui est pèse vraiment en sa faveur, qui est qu'effectivement, par exemple, on prend la réutilisation, soyons clairs, l'étage qui réatterrit, alors qui plus est, avec les deux étages qui réatterrissent simultanément, juste au moment où il vient d'envoyer sa voiture dans l'espace avec un astronaute le coude sur la portière, enfin, un mannequin le coude sur la portière, tout ça paraît assez irréaliste, mais en même temps, il le fait irréaliste et d'une certaine manière, on se demande quel est l'objectif de tout ça, mais en même temps, il le fait, et effectivement, les réalisations, sa grande force, c'est de faire un peu à marche forcée, je dois dire, des réalisations toujours originales, jamais faites, inédites, et qui, au bout du compte, fonctionnent. Il casse beaucoup de matériel en parallèle, mais il avance. Et donc, ça crée une sorte d'équilibre. Aujourd'hui, je dirais, je pense que Maxime partagera mon avis, la communauté spatiale dans son ensemble a une vision très ambivalente encore de SpaceX et de Musk. C'est-à-dire qu'à la fois, ils lui reconnaissent une excellence technique qu'il arrive à faire, et en même temps, ils n'arrivent pas. Je pense qu'on a de la difficulté à croire dans le bonhomme et, je dirais, dans la vision qui sous-tend tout ça. Donc c'est très particulier, c'est assez inédit dans le spatial, et ça pose la question de, vous parliez de Trump par exemple, etc. On voit bien aussi que les autorités américaines, même si la NASA aujourd'hui établit des liens avec SpaceX, tout ça se fait de façon très discutée. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff The Magic Dragon de Peter, Paul and Mary à 16h33 sur France Culture. Pourquoi cette chanson, Xavier Pascaud? Vous pouvez peut-être m'expliquer? Non. Je n'ai pas choisi la chanson, moi. Non, c'est nous qui l'avons choisi, mais pourquoi avons-nous choisi cette chanson? J'imagine que c'est en relation avec le Crew Dragon. Absolument. Qui est apparu comme historique dans le spatial américain. Quel est le lien entre cette chanson? Pourquoi est-ce que Elon Musk a choisi d'appeler sa capsule, donc Crew Dragon, celle qui vient d'emmener deux astronautes pour la première fois reliés à la station spatiale internationale? Pourquoi est-ce qu'il a choisi finalement de la nommer à partir de cette chanson qui a l'air un peu enfantine, mais quand on écoute les paroles, qui a quand même un sous-texte assez précis? Oui, vous me posez la question. Moi, je pense qu'en fait, on a vraiment une référence, comme c'est permanent chez Elon Musk, à l'univers onirique en réalité. Et on est, comment dire, que ce soit par exemple la référence au guide du hitchhiker de l'autostoppeur intergalactique. C'est ça. Voilà. Très souvent, on trouve chez les visionnaires de notre époque cette référence, on va dire, à l'univers un peu onirique, qui est en fait baigné à la fois d'heroic fantasy, de science-fiction, et qui finalement offre un monde alternatif, une vision alternative, raconte une histoire alternative sur laquelle la technologie se greffe. Et ça, je pense que pour Musk, c'est très très important qu'il fasse référence à la chanson de David Bowie. On est toujours dans le... Et je dirais ça marche d'une certaine manière. Il parle à une certaine génération. Il parle à une certaine génération et il parle de son histoire et de l'histoire et du monde qu'il veut façonner. En français, c'est le Guide du Voyageur Galactique de Douglas c'est Adams. C'est ça, le Guide du Voyageur, voilà. C'est une série de science-fiction assez drôle et assez caricaturale. Et il y avait une référence à ces romans, à cette série de romans dans l'envoi de sa voiture Tesla en orbite avec son Falcon Heavy en 2018. Peut-être qu'on peut parler avec vous un peu, Maxime Puteau, puisque je rappelle donc, si vous ne l'aviez pas compris ou si vous arrivez et que vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus. On parle de SpaceX et d'Elon Musk et finalement de ce personnage bien un peu à double tranchant qui à la fois bien réenchante le rêve spatial et en même temps provoque parfois un certain nombre de choses avec des conséquences assez négatives. On va parler notamment de la constellation Starlink qui est très très critiquée et on se demande là encore une fois qui va pouvoir l'arrêter puisqu'il dispose maintenant de tous les moyens pour continuer à lancer cette constellation de satellites tout seul sans aucune aide extérieure. Mais avant cela, peut-être qu'on peut dire un mot de cette capsule Crew Dragon. Pour le coup, Maxime Puteau, c'est vraiment là, Elon Musk, une réussite totale. C'est-à-dire qu'il a réussi à privatiser l'espace, c'est-à-dire à se rendre indispensable à la NASA. Et alors, il reste encore à revenir sur Terre, mais pour le moment, ça a l'air d'être une réussite totale. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le succès de la mission jusqu'à présent. Mais je serais un peu plus nuancé. C'est plus une externalisation d'une activité souveraine et quoi de plus souverain pour la NASA que d'envoyer ses astronautes qu'une véritable privatisation, puisque la NASA a confié ses astronautes à SpaceX. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'équipage SpaceX à bord de vaisseaux SpaceX. Donc là, il y a une vraie réussite sur l'enjeu de souveraineté et l'enjeu de prestige, d'où les opérations de communication de la NASA et de SpaceX qui ont été très bien réussies pour mettre en scène ce retour et cette nouvelle indépendance américaine. Après, sur l'aspect privatisation, oui, incontestablement, avec Starlink se pose la question de la congestion des orbites, puisque en moins d'un an, SpaceX est devenu non seulement opérateur de satellites, mais est devenu en termes de satellites le plus grand opérateur de satellites en orbite. On va revenir sur Starlink dans une toute petite seconde. Non, allez-y. J'aimerais qu'on reste un tout petit peu quand même sur les spécificités techniques de cette capsule Crew Dragon. Là aussi, est-ce que on voit que Elon Musk a prêté une attention toute particulière à tout le décorum qu'il y a autour. C'est-à-dire que cette capsule, effectivement, elle ressemble beaucoup plus à ce qu'on a pu voir dans les films de science-fiction que les vieilles capsules Soyuz. Il a, comme l'a dit Xavier Pascaux tout à l'heure, refait la combinaison spatiale avec un designer hollywoodien. Est-ce que techniquement, elle est à la hauteur? Est-ce que techniquement, c'est une capsule qui va bien, comme a pu le faire Soyuz, envoyer des gens dans l'espace pendant les 50 prochaines années? Maxime Puteau. Non seulement elle est très fiable, mais en plus sa conception est très intelligente. Par exemple, plutôt que d'avoir un système d'urgence pour évacuer les astronautes et évacuer la capsule, un système supplémentaire par rapport au vaisseau, lui, il va décider d'intégrer ce système dans la capsule. Et le système peut servir à la fois, à la base, il a été conçu pour à la fois servir du système d'urgence et éventuellement réatterrir sur Terre. Donc il y a une vraie intelligence dans la conception de la capsule et le Crew Dragon tire évidemment parti de tout le travail qui a été fait sur la capsule Dragon pour cargo. Xavier Pascaux, vous pouvez nous dire un peu des spécificités techniques de ce Crew Dragon. Il peut accueillir, je crois, jusqu'à 7 astronautes avec une charge utile relativement importante. Il est très très longuement autonome en orbite au cas où il y a un problème, je crois, jusqu'à 7 jours. Vous pouvez nous décrire un peu ce qu'est la réussite technique finalement de cette capsule qui peut accueillir pour la première fois depuis le sol américain des astronautes et les envoyer dans l'espace? Je crois que la principale caractéristique de Crew Dragon qui le distingue de ses prédécesseurs, j'allais dire, c'est la très haute automatisation du vol. Et je dirais presque, du coup, l'emport d'astronautes qui vont pouvoir intervenir, bien sûr, si nécessaire, sur le vol en cas de problème, mais dont on n'attend pas finalement qu'ils soient des pilotes comme on a pu l'attendre des pionniers qui sont allés en orbite. Et ça, c'est très symbolique aussi d'autre chose. C'est toujours dans la vision de Musk de dire que l'espace, désormais, par la technologie, va être accessible, alors non pas au plus grand nombre, mais on va quitter cet espace expérimental confié à des pilotes d'essai, alors pas nécessairement d'ailleurs des militaires, hein, ça pouvait être aussi des civils, mais des gens extrêmement qualifiés. Alors bien sûr, pour l'instant, on n'en est pas là, et pour être astronaute, il faut être extrêmement qualifié, avoir beaucoup de qualités physiques, etc. Mais on voit bien que se dessine finalement, oui, une forme de vulgarisation, enfin en tout cas, c'est un peu l'idée de rendre l'espace accessible. Et quand on voit, ne serait-ce que le panel, par exemple, d'écran tactile qui se distingue dans les photos de ce Crew Dragon, on voit bien que là, on montre à l'opinion publique, finalement, une interface tactile auquel les gens sont de plus en plus habitués pour leurs propres appareils, leurs tablettes, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait pensé aussi dans l'après. Alors ces capsules seront réutilisables, hein, il est déjà prévu de les réutiliser pour plusieurs vols, et puis en faisant ça, finalement, autre point important, Elon Musk coche la case pour SpaceX, eh bien, de la maîtrise du vol habité, qui est une vraie qualité nouvelle pour l'entreprise, et en faisant cela, il prend date dans les futurs programmes d'exploration, notamment immédiatement le programme d'exploration lunaire. Évidemment. On dit, effectivement, là j'ai lu, puisqu'elle doit rester encore donc accrochée pendant 210 jours à la Station Spatiale Internationale avant de redescendre sur Terre, et j'ai lu qu'effectivement le décrochage est là aussi complètement automatisé, les astronautes n'ont plus rien à faire pour revenir et redescendre sur la surface de la planète, Xavier Basco? Alors effectivement, a priori, c'est très très largement automatisé. Ça, c'est vraiment la grande différence avec les. Alors même s'il y avait beaucoup d'assistance automatique et technique pour les autres capsules, et notamment Soyouz, bien sûr, mais on est dans une génération nouvelle qui effectivement est censée bien rendre plus, on va dire, plus accessible, plus routinier peut-être, on va dire, on espère en tout cas, les choses. Seul point quand même que je voulais souligner, on est aujourd'hui dans une phase de succès et on espère bien sûr qu'elle se poursuivra. L'interrogation qu'on peut avoir, le spatial, on le sait, ça reste dangereux, le milieu spatial reste un milieu très hostile, très compliqué, la physique spatiale est très compliquée, et donc aujourd'hui, il y a toujours quand même cette question du jugement qu'on porterait sur un échec de SpaceX, qu'on n'espère pas bien sûr. Donc ça reste quand même, aujourd'hui, l'histoire se déroule bien. Jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce retour sur Terre où évidemment c'est une question mais que je vous poserai tout à l'heure de se dire est-ce que par exemple bien un accident spatial au retour de cette capsule Crew Dragon sur Terre signerait la fin d'Elon Musk ou la fin de SpaceX, on en reparlera parce que j'aimerais qu'on parle quand même de Starlink et qu'on prenne le temps de parler de Starlink. C'est là aussi un projet relativement fou, je l'ai dit, hein, les lancements continus par paquet de 60 je crois modules, 60 mini satellites ont été, je vous l'ai dit, lancés cette année, le 6, le 29 janvier, le 17 février, le 18 mars, le 22 avril, les 4 et 13 juin. Un nouveau lancement aura lieu le 24 juin, ce qui porte à plus de 540 mini-satellites de la constellation dans le ciel. Déjà, d'une, peut-être, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est, Maxime Puteau, que Starlink, et deux, énumérer l'importante bronca qu'il commence à y avoir de toute la communauté astrophysique en disant Elon Musk est en train de ruiner le ciel nocturne. Alors Starlink, ça a été présenté par Elon Musk en 2015 et c'est sa vision pour réduire la fracture digitale et connecter les zones blanches via une constellation, c'est-à-dire des centaines et des milliers de satellites en orbite basse qui couvrirait l'ensemble de la Terre. Ça, c'est la vision. La réalité et la motivation derrière, c'est qu'en fait, Elon Musk, il a besoin de trouver des lancements et des clients à ces lancements. Il a paradoxalement fait mûrir la technologie de réutilisation à un moment donné où le marché pour lequel le Falcon était taillé s'est retourné. Le Falcon 9 a été construit pour le marché des satellites géostationnaires qui sont lancés à 36 000 km d'altitude et le marché est en train de se retourner. Les gens regardent de moins en moins la télé en linéaire et regardent beaucoup plus de la télévision à la demande, ce pourquoi le satellite est assez mal taillé. Et en fait, Starlink c'est aussi pour être devenir son propre client et par conséquent aussi concurrencer les clients de SpaceX. Mais du coup, on a entendu, alors parce que effectivement, l'ambition pour le moment, c'est 12 000 satellites prévus d'ici 2025. Il a été question que ce nombre monte à 40 000. Xavier Pascaud, ça pose un certain nombre de problèmes, celui de l'encombrement et de l'embouteillage des différentes orbites. On en a déjà parlé dans cette émission, mais ça pose aussi des vrais problèmes, comme je l'ai dit, pour les astrophysiciens et puis pour les Kidam qui vont voir. D'ailleurs, on va vous poster des photos ou des vidéos d'observations. Ou faites par des amateurs du ciel nocturne, où on voit cette espèce de train de Starlink qui d'un seul coup illumine complètement le ciel nocturne et puis gâche toute possibilité d'observation tranquille. Oui, absolument. La communauté des astronomes est vent debout, je dirais, contre le déploiement de ces milliers de satellites. Alors il y a effectivement ces trains de satellites qui passent quand ils se mettent à poste tranquillement. Il y a des flashs aussi qu'on peut observer en France. Il suffit de regarder la nuit un petit peu vers l'ouest et souvent on va passer des Starlink. Ce qui est assez caractéristique, c'est qu'on voit tout d'un coup un flash qui disparaît, puis le flash réapparaît une dizaine de secondes plus tard. Ça, ce sont les satellites Starlink qui, en fonction de l'incidence de la lumière solaire, vont réfléchir. Alors, Elon Musk a évidemment bien entendu tout. Alors ça lui plaît pas trop parce que là, ça casse un peu le rêve quand même. Alors donc il a beaucoup communiqué sur le fait qu'ils allaient faire ce qu'il fallait pour diminuer la réflexion de ces satellites. Alors soit en les peignant en noir, donc il y a eu un test de tout en mettant un revêtement plus opaque. Et là aujourd'hui on parle plutôt de satellites auxquels on va mettre un peu des pare-soleils. Donc on teste les choses. Hein. C'est toujours un petit peu dans la philosophie Musk. Et puis ce qu'il dit aujourd'hui, c'est mais finalement on va donner finalement les données orbitales, hein, les positions orbitales de ces satellites aux astronomes, de sorte qu'ils puissent préparer leurs appareils à prendre des photos sans que les satellites les gênent. Donc il y a une espèce, il veut vraiment introduire une forme de communication. Pour lui, c'est très important parce que la communauté des astronomes, c'est une communauté, je dirais, constructive, scientifique, à laquelle il accorde de l'intérêt, je dirais même pour son histoire à lui, en tout cas. Et donc il est un peu dans une espèce là de dissonance un petit peu personnelle et qu'il va falloir corriger bientôt. Deuxième point, vous évoquiez le problème du trafic et de la congestion. Musk là, vient de faire des demandes, enfin SpaceX, Starlink vient de faire des demandes pour baisser les orbites de certains satellites, en fait, d'un peu plus de 2000 satellites qui étaient prévus à 1000 km. Il veut les baisser à 500 km comme les premiers qu'il a mis en orbite. Pourquoi ? Ben, simplement parce qu'il est un peu dans une course en ce moment pour répondre à des appels d'offres de la FCC américaine pour réduire ce que Maxime appelait les zones blanches en réalité. Il y a une grosse offre, hein, au total, c'est 16 milliards de dollars, je crois. C'est une grosse offre, pour en des effet. Entreprises. Voilà, pour financer des projets. Alors, les satellites étaient initialement exclus de cette offre parce qu'on estimait que le temps de latence était trop important. Et Musk a réussi, alors là, à force de lobbying, etc., à faire changer l'avis de la commune, de la FCC, donc l'agence fédérale qui s'occupe des télécommunications, et pour permettre aux opérateurs satellites, notamment en orbite basse, de postuler pour cet appel d'offres. C'est en octobre que ça va être mis en concurrence. Et donc, il a absolument besoin très rapidement que beaucoup de satellites soient en orbite à une certaine altitude pour montrer qu'il est capable. Donc il y a aussi évidemment des enjeux extrêmement importants pour lui, au-delà de ce storytelling dont on parle tout à l'heure. Mais du coup, par exemple, pour ce projet Starlink, parce que si on commence à énumérer, donc on a la capsule Crew Dragon qui va permettre bien de continuer à faire les allers-retours jusqu'à l'ISS et puis ensuite évidemment se positionner pour d'ailleurs il a répondu, SpaceX a été retenu dans l'appel d'offres de la NASA pour un opérateur pour une sorte de taxi vers une future station qui serait une station circumlunaire. Donc on voit qu'il est très bien positionné. Il est en train de développer sa grosse navette ou sa grosse fusée qu'il appelle Starship, pour le moment les essais ont tout a explosé, mais enfin ça va finir par marcher comme on a l'habitude de l'avoir vu pour les modules Falcon. Qui peut faire quelque chose aujourd'hui contre Elon Musk? Qui peut contrecarrer ses ambitions, par exemple l'empêcher de continuer à développer et à déployer sa constellation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut à un moment donné mettre un frein à ces progrès-là, Maxime Puteau? Je dirais qu'Elon Musk est un peu son meilleur ennemi, puisque dans l'histoire de SpaceX, de nombreux projets en fait ont été revus. Il y a vraiment une culture Silicon Valley chez Musk, où en fait on est en itération permanente et on n'hésite pas non seulement à repenser, à remettre tout à plat, mais aussi à cannibaliser ses propres produits. Et Starship, par exemple, c'est un exemple flagrant. Aujourd'hui, SpaceX n'aurait pas besoin de Starship pour avoir des clients. avec Falcon 9 qui fonctionne, qui est extrêmement fiable et très peu cher, et bien SpaceX va venir concurrencer ses propres produits pour répondre à sa vision. Derrière, le principal concurrent externe à Musk, c'est évidemment Jeff Bezos, puisque quand on est l'homme le plus riche du monde et qu'on injecte sur fonds propres 1 milliard tous les ans dans sa société de lanceurs depuis plus de 15 ans, on a les reins solides. Là où il faut pas oublier que SpaceX continue de faire des levées de fonds tous les ans, parce que SpaceX a des besoins en investissement qui sont massifs, d'abord en Falcon, puis Starlink, et bientôt en même temps Starship. Et ça, c'est consommateur de capitaux. Et toute la posture, toutes les relations publiques contribuent finalement à éveiller l'intérêt des investisseurs. Et si jamais Musk devait ralentir ou échouer un peu trop longtemps, les investisseurs pourraient très bien lui tourner le dos. Xavier Pascaud, est-ce que Musk peut être une sorte de feu de paille, ou est-ce que d'un seul coup, comme vient de l'expliquer Maxime Puteau, SpaceX peut s'effondrer au premier accident ou à un moment donné, juste pour des questions de trop de projets, de trop de gourmandises et d'une image qui s'écorne petit à petit, comme on vient de le voir, notamment à travers Starlink? En fait, oui, sans doute tout peut arriver. Vous avez évoqué l'accident. On peut imaginer qu'un accident qui est en fait un accident qui pourrait arriver à tous les opérateurs spatiaux, hein, traditionnels comme nouveaux, serait pour lui une brèche qui serait ouverte dans son système et qui permettrait à une communauté spatiale, notamment à une industrie spatiale concurrente, notamment on pense aux grands systémiers, Boeing, de rentrer un peu dans cette brèche pour mettre à mal un petit peu, on va dire, pour mettre à mal à la fois la culture industrielle de SpaceX, mais mettre à mal aussi la relation que la NASA construit avec SpaceX. Aujourd'hui, la NASA prend une forme de risque quand elle fait appel à SpaceX, parce que là où elle avait un cahier des charges spécifique très très précis avec des dizaines de milliers de points de contrôle dans sa relation avec Boeing, elle va avoir seulement des centaines de points de contrôle avec SpaceX, et essentiellement portant sur la certification de la sécurité. Donc si aujourd'hui SpaceX malheureusement avait un accident, on mettrait immédiatement en cause sans doute la politique de la NASA dans sa construction de nouvelles relations avec ses fournisseurs finalement. Et notamment dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cet achat de services, non plus de systèmes mais de services. Et ce serait sans doute quelque chose qui s'est très politisé très vite aux États-Unis, qui rentrerait dans un débat, parce qu'on est encore dans un système où le pas n'a pas été complètement franchi par tout le monde, que de dire, eh bien voilà, le système spatial américain entre l'agence et les industriels, c'est fondamentalement transformé, et aujourd'hui on a une agence spatiale qui achète des services spatiaux privés. Tout ça n'est pas accepté par tout le monde, c'est quelque chose qui se fait et qui a été démontré, mais qui reste encore éminemment fragile, et on voit bien qu'il y a encore l'épaisseur du temps qui manque pour ancrer tout ça dans les habitudes. Mais ce qui est remarquable, c'est que effectivement ça a été démarré de manière assez rapide, et avec cet essor qu'on a connu dans les années 2000, à la fois de SpaceX, mais aussi de tout le système spatial américain qui s'est organisé autour de cela. Mmh. Est-ce qu'un changement de pouvoir aux États-Unis, puisqu'on sait qu'il y a des élections au mois de novembre, pourrait entraver les ambitions d'Elon Musk, et que un président démocrate pourrait prendre la responsabilité de dire maintenant ça suffit, on veut récupérer un contrôle, on va changer la direction de la NASA, on va rediversifier les rapports avec les prestataires? Comment est-ce que ça pourrait se passer, Xavier Pascaud? Oui, alors moi je pense qu'il y a deux choses. Il faut se rappeler que SpaceX et on va dire cette conception des relations entre la NASA et ses nouveaux acteurs industriels, ça a été élaboré sous Obama, enfin sous Bush au départ, et puis Obama. Donc on est quand même dans une continuité qui est trans-administration, j'allais dire. Ça, c'est un premier point. Alors donc je pense qu'en réalité on n'aurait sans doute pas de grosses transformations si Biden est élu, par exemple, dans cette nouvelle construction qui est mise en place, dont de manière un peu bipartisane tout le monde loue aujourd'hui les mérites ou les mérites supposés. En revanche, ce qui pourrait être mis un petit peu en question, c'est peut-être le calendrier du programme lunaire lui-même. Je ne pense pas que le programme lunaire en lui-même serait remis en question. Il faut se rappeler qu'Obama, lui, n'avait pas fait le choix du programme lunaire et pensait plutôt à des investissements de long terme sur Mars. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui une administration démocrate reviendrait là-dessus. En revanche, l'atterrissage en 2024, par exemple, demandé par Trump, pourrait être remis en question. Sachant que Bezos et Musk, et notamment Musk, se remettent dans le siège de la NASA, tout ça peut avoir une incidence sur leur manière de faire. Mais finalement, un petit rallongement du programme ou un petit déport du programme pourrait être en fait totalement bénéfique. Donc je pense que fondamentalement, ce nouveau paysage est là quand même pour durer au plan institutionnel. On a vu, alors on ne l'a pas évoqué, mais on en avait parlé dans les émissions précédentes, à quel point Elon Musk et SpaceX ont contraint l'industrie aérospatiale et notamment ont poussé Arianespace à changer complètement de plan et à mettre les bouchées doubles pour essayer de transformer son lanceur semi-lourd Ariane 5 en lanceur plus léger Ariane 6. C'est moins cher surtout. Aujourd'hui, Maxime Puteau, en Europe, en Europe ou d'ailleurs dans le reste du monde, hein, ailleurs qu'aux États-Unis finalement, l'industrie spatiale reste tout de même le fait des grandes agences. On n'a pas du tout ce type d'acteur-là qui a les capacités d'émerger et qui pourrait tailler des croupières à Elon Musk. C'est vrai qu'on n'a pas le même système entrepreneurial et même l'écosystème industriel, mais parce qu'on n'accède pas à l'espace pour les mêmes raisons. En Europe, l'existence de la filière, elle est justifiée par l'accès autonome à l'espace. Aux États-Unis, l'accès autonome, il était assuré par la NASA ou par différents prestataires. Et finalement, SpaceX s'est rajouté et est venu les concurrencer. En Europe, on veut vraiment avoir, avant toute chose, cette indépendance. Et aujourd'hui, il n'y a que les agences qui ont cette capacité d'investissement et avec l'aide d'un complexe industriel qui est construit et qui l'exécute. Mais on n'a pas, je pense, il nous manque un petit peu ce bagage culturel entrepreneurial. Et les investisseurs qui sont prêts à miser autant sur des projets ô combien risqués. Rappelons que dans l'économie spatiale, les lanceurs sont l'activité la plus risquée et paradoxalement la moins profitable. Un dernier mot peut-être pour conclure. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que Musk a les moyens et va pouvoir tenir de façon suffisamment ferme et suffisamment longue pour accéder au rêve qu'il n'arrête pas de répéter depuis le début, c'est-à-dire envoyer des êtres humains sur Mars? Qu'en pensez-vous, Xavier Pascaux? Ça, je dirais que là, il rejoint la cohorte des gens qui disent qu'on ira sur Mars dans 30 ans. Hein. Depuis 50 ans, on dit qu'on ira sur Mars dans 30 ans. Il faut se rappeler, en 69, juste pour l'anecdote, dans la foulée d'Apollo, la NASA avait produit un rapport qui disait qu'on serait sur Mars en 86. Et de l'eau a coulé sous le pont depuis. Lui-même dit qu'il n'est pas sûr, en réalité, d'être toujours vivant quand l'homme ira sur Mars. Disait cela parce que désormais il parle de dates beaucoup plus rapprochées pour mettre des hommes. Moi je pense que aujourd'hui, alors là évidemment il faut une confirmation par les scientifiques. Il semble que le voyage vers Mars pour l'homme reste un voyage extrêmement risqué dont on ne maîtrise pas le danger, y compris d'ailleurs le danger biologique, il y a les radiations, etc. Donc aujourd'hui on est quand même pas dans les dates qu'annonce Musk à la prochaine décennie, etc., voire 2024 ou 2028. On est vraiment dans quelque chose qui se passera quand même très tardivement. Est-ce que Musk sera toujours vivant? Est-ce qu'on a cette ambition de mettre un homme sur Mars d'ici 30 ans? Oui, sans doute. On a l'ambition. Est-ce qu'on le fera? Ça reste quand même une question totalement ouverte et là qui est pour le coup fonction des équilibres politiques du moment aux États-Unis notamment. Maxime Puteau, votre avis sur cette question pour conclure? Et force est de constater que tous les développements que Musk a fait pendant les 20 dernières années avaient à chaque fois pour but de le rapprocher de Mars. Si on prend par exemple Starship, Starship fonctionne avec un moteur Raptor qui fonctionne alimenté par du méthane parce que Musk entend générer et synthétiser le méthane à partir de l'atmosphère martienne et finalement ne pas avoir à transporter le carburant de retour. Donc il est quelqu'un qui a accéléré le temps du spatial. Est-ce qu'il verra le débarquement d'un homme sur Mars de son vivant? J'ai tendance à penser que oui, il approche la cinquantaine d'années, donc on peut lui souhaiter. Et la vraie question qui se pose derrière, ça sera de savoir si ça c'est un astronaute NASA ou SpaceX qui sera le premier à fouler la surface du sol martien. Est-ce qu'on peut nous souhaiter, à nous, terriens, encore 50 ans d'Elon Musk? La question reste entière. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Maxime Puteau. Merci Xavier Pascaux. Je rappelle qu'on peut vous lire dans Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space. C'est au CNRS édition. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Nimnaguet Saint-Vulfranc, Natacha Trio, Alexandra Delbo, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, nous reviendrons sur ce que le New York Times a appelé l'autre victime de la crise du coronavirus, la crédibilité des revues à comité de lecture. Après le scandale lié à la revue de Lancet et à l'étude a priori frauduleuse qui a été publiée dans ses pages, quel avenir pour ces revues à facteur d'impact? Que s'est-il passé? Comment revoir en profondeur la validation des recherches scientifiques? Y aura-t-il un monde d'après pour les revues scientifiques? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.